Léonce Vitariho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. L'organisation PARSEM, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'Évolution des Mentalités, appelle les jeunes à aimer le travail pour mieux se développer. Dans ce journal, vous entendrez le président de la PARSEM, Faustin Dikoumane. Au football, seules deux équipes sur les 16 que compte le championnat de football en première division au niveau national ont déjà déposé les documents exigés à la FFB. Sans ces documents, l'équipe n'a pas le droit de participer au championnat qui débute d'ici 4 jours. Et puis, commémoration ce lundi du 14e anniversaire d'assassinat de 166 personnes de la communauté congolaise Banyamulenge à Gatumba. Les familles des victimes disent toujours attendre que justice soit rendue. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Nous ouvrons ce journal par la page sécurité pour vous dire que 36 personnes ont été blessées hier dimanche dans un accident de roulage qui a eu lieu sur la route Guité-Garutana. Des informations en provenance de la police indiquent qu'un véhicule de marque IAS a cogné une foule de gens en événement de remise et reprise des restes de la Sainte Thérèse et de l'Enfant Jésus entre les évêques de Guitega et Rutana. Les blessés sont pour le moment en train d'être soignés selon toujours la police. La jeunesse burundaise est appelée à aimer le travail et être honnête afin de mieux se développer. Propos de Faustin Dikoumane, président de l'organisation PARSEM, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'Évolution des Mentalités, c'était dans une conférence de presse tenue ce lundi. Il demande au gouvernement d'être à l'écoute de la jeunesse. Au football, seules deux équipes sur les 16 que compte le championnat de football en première division au niveau national ont déjà déposé les documents exigés. Ces documents permettront à ces équipes de participer au championnat national qui débute dans 4 jours. La direction chargée des compétitions au niveau de la Fédération de football du Burundi demande aux responsables de ces équipes et aux joueurs d'être en ordre. Faute de quoi, ils n'auront pas le droit au prochain championnat. Les détails, c'est avec Evariste Nzikobanyang. Les formations de football Aigle Noir de Makamba et Étoile du Centre de Guitega, ce sont les deux formations qui ont déjà déposé leur dossier. Selon la direction de la Fédération de football du Burundi, FFB, chargée des compétitions, les dossiers qui sont exigés au président des clubs, il s'agit de la carte biométrique du joueur, conforme aux exigences de la FIFA, la convention entre le président de l'équipe et le joueur, le statut de l'équipe agréé par le ministère de l'Intérieur, le logo et les couleurs symbolisant l'équipe. Ces exigences de la convention FIFA-FFB exigent à chaque joueur une attestation médicale délivrée par le médecin du gouvernement attestant que le joueur a la santé qui lui permet de jouer au football ainsi que la copie de sa carte nationale d'identité. Samedi le 18 août de l'année en cours, c'est le début du championnat national de football en première division édition 2019 selon le calendrier établi par la FFB. Mais dans 4 jours qui restent, 2 formations sur 16 sont en ordre. Une attitude qui ne plaît pas l'autorité de la FFB qui ajoute avoir débloqué 1 million de francs burundais à chaque équipe pour qu'elle puisse s'organiser. La direction chargée des compétitions à la FFB demande aux concernés, présidents des clubs, joueurs confondus, de déposer dans les délais les documents exigés. Dans le cas contraire, aucun club ou aucun joueur ne sera autorisé à débuter le championnat édition 2019. Dans ce même cas d'espèce, celui qui ne sera pas en ordre sera infligé d'une amende, ajoute la direction chargée de compétition. Merci Évariste. Au football toujours, la sélection burundaise des moins de 17 ans joue son second match aujourd'hui avec l'équipe rwandaise Amavubi. Nous sommes dans les matchs éliminatoires des pays qui participeront au championnat de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans en Tanzanie l'an prochain. Ce match sera livré à Dar es Salaam en Tanzanie à 18h de Bujumbura. En passant, les hirondelles ont été battues samedi dernier 2-1 par la formation tanzanienne Serengeti Boys. Commémoration ce lundi 13 août du 14e anniversaire de l'assassinat de plus de 160 personnes de la communauté congolaise Banyamulenge. Ces personnes ont été tuées à Gatumba, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. C'était le 13 août 2004. Les familles des victimes disent toujours attendre que justice soit rendue. En ligne téléphonique, je suis avec Elini Bele Nibigida qui est à Gatumba. Elini Bele, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends très bien, Léonce. Oui, les festivités, c'est comment? Oui, justement, Léonce, ils viennent de terminer le dépôt des gerbes de fleurs et pour le moment, les discours qui ont été tenus ici, Léonce, le représentant des rescapés, des familles des victimes, a demandé que justice soit faite. Il a regretté que 14 ans déjà, alors que les commanditaires de ce carnage l'ont revendiqué. Jusqu'à maintenant, la justice ne s'est pas encore prononcée. Ils regrettent d'ailleurs qu'ils ont soumis leur dossier à la Cour pénale internationale qui, selon eux, l'aurait déclaré irrecevable. Alléance, autre chose que je peux vous dire, il y avait également l'association AC Génocide de Chilimosso, une association qui est contre le génocide et les crimes contre l'humanité. Ici, cette association, elle aussi, dit être surprise qu'il n'y a pas eu aucune autorité du gouvernement, justement, pour que elle puisse entendre les doléances de ces rescapés et des familles des victimes. Et au niveau congolais, est-ce qu'il n'y a pas de représentativité au niveau de l'autorité congolaise? Donc, il n'y a pas eu aucune représentation de la part de la République démocratique du Congo, même de son ambassade qui se trouve ici au Burundi. D'ailleurs, Léonce, je dirais, dans le discours du représentant des rescapés des familles des victimes, il a rappelé que lors de l'enterrement de ces victimes, c'était en 2004, comme tu le disais tout à l'heure, les différents représentants des gouvernements, je dirais le représentant du Congo, le représentant du Rwanda, le représentant du Burundi, qui était d'ailleurs le président de l'époque, c'était le président Domitien Ndayizeye, et le représentant de l'ONU au Burundi, c'était Caroline Matanski. Et ils avaient rassuré que la justice sera faite d'ici peu. Mais voilà, 14 ans après, aucun indice de justice qui sera faite pour le moment. Merci beaucoup, Nibel. Je vous remercie. La jeunesse burundaise est appelée à aimer le travail et être honnête afin de mieux se développer, je vous le disais tout à l'heure. Propos de Faustin Dikoumana, président de l'organisation PARSEM, Paroles et Actions pour le Réveil des Consciences et l'Évolution des Mentalités, c'était dans une conférence de presse tenue ce lundi. Il demande au gouvernement d'être à l'écoute de la jeunesse. Suivez Faustin Dikoumana. Le 12 août de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la jeunesse. Mais cette journée arrive au moment où la situation n'est pas reluisante dans notre pays. Nous avons un taux de croissance de la population vraiment aux allures inquiétantes. 75% au moins de 35. Chômage en milieu rural à environ 55%. En milieu urbé plus de 55%. Par ces marotis, la sonnette d'alarme. En rappelant à la jeunesse que seul le travail honnête est la source du bonheur. Les jeunes, évaluez-vous d'abord, investissez d'abord en vous. Vous avez quelle connaissance, quel talent? Chaque jeune a un talent. On ne vous demandera pas ce que vous avez étudié, mais vous savez faire. Et il faut une discipline, savoir gérer le péco et pouvoir évaluer l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Agissez, regroupez-vous dans des associations pour faire connaître vos besoins. Et au gouvernement, nous disons qu'il doit être à l'écoute de la jeunesse. Créer un environnement favorable aux activités d'autopromotion de la jeunesse. On ne fait pas rester la jeunesse à elle-même. Il y a des préalables. Quand on dit les infrastructures, la réforme fiscale, une politique monétaire favorable à l'épanouissement de la jeunesse, ça c'est le connu du gouvernement. Donc j'imagine que cette journée devrait offrir une occasion d'introspection. Les jeunes, découvrez vos talents. Soyez des citoyens libres, non instrumentalisés. Nous nous intervenons dans différentes communes du pays pour aider la jeunesse à savoir plaider, faire prévaloir ses préoccupations. Nous visons au niveau macro. Faustin Dikoumana, président de la PARSEM, propos recueillis par Ndaïkeje Namia. Un décret portant interdiction d'importation et la fabrication de sachets au niveau national a été signé le 8 août dernier par le président de la République. Une période de 18 mois est accordée pour donner la chance aux commerçants et utilisateurs de sachets pour vider les stocks. Les précisions de Charles Macôte. L'article 3 de ce décret présidentiel indique que la fabrication, l'importation, le stockage, la vente et l'utilisation de tous les sachets et d'autres emballages en plastique sont interdits. Toutefois, le dit décret donne les prérogatives au ministre en charge de l'environnement, après concertation avec les ministres concernés, d'établir par ordonnance une liste des sachets en plastique devant être utilisés exceptionnellement au Burundi. La liste est actualisée chaque fois que de besoin. Initialement, le matériel en plastique bénéficiant d'une dérogation spéciale est constitué des sacs et les sachets en plastique biodégradables, le matériel en plastique utilisé dans les services médicaux, le matériel en plastique utilisé dans l'emballage industriel et pharmaceutique, le matériel en plastique utilisé dans la construction industrielle, y compris les tuyaux de canalisation, le matériel en plastique utilisé dans la fabrication des tentes, le matériel en plastique utilisé dans les laboratoires de recherche et le matériel en plastique utilisé dans l'enseignement comme matériel didactique. L'article 6 de ce décret précise que le contrôle du respect des autorisations et des prohibitions est assuré par les services des douanes, les services techniques du ministère ayant l'industrie dans ses attributions, les services du ministère ayant respectivement l'intérieur, le commerce et l'environnement dans les attributions. L'article 7 du dit décret dit que les déchets en plastique, y compris les bouteilles et les flacons en plastique, sont retournés chez les fournisseurs qui en assurent le stockage, le recyclage ou la valorisation. L'article 8 du même décret dit que les promoteurs économiques des projets des sacs de substitution et de recyclage, des sachets et d'autres emballages en plastique sont encouragés à investir dans ce secteur. Un délai de grâce de 18 mois est accordé à compter du jour des signatures de 10 décrets pour écouler les stocks disponibles et les commandes passées. Nous disons merci à Charles Makoto. Le Burundi est riche en sous-sol. C'est la page économie. Des compagnies obtiennent des permis de recherche et d'exploitation. D'autres ont commencé à exporter. Mireille Kanyangé avec moi au studio. Vous revenez sur ces exportations, n'est-ce pas, vis-à-vis du budget général de l'État, édition 2018-2019. Oui, Léonce, parlons d'abord de ce budget général de l'État exercice 2018-2019 qui montre que les recettes provenant de l'Office burundais des mines et carrières est de 7 557 millions et 560 000 francs burundais. Léonce, se basant sur les exportations de minerais sur les 6 premiers mois de cette année, comme annoncé par le ministre de l'Énergie et Mines, cela a permis, tenant compte du rapatriement des devises de plus de 33 millions de dollars américains, l'équivalent en francs bourse et sur le taux officiel de change est de plus de 5 572 601 000 francs burundais. Je venais de vous le dire, c'est l'équivalent de ces devises rapatriées sur les 6 premiers mois. Et partant de l'unique exportation de terres rares, telle que annoncée par le patron de Rainbow au mois d'avril de cette année, sur 25 tonnes exportées, c'est 8 000 dollars américains qui rentrent au trésor public, ce qui revient à dire que sur 600 tonnes de terres rares exportées, telle que annoncée par le ministre de l'Énergie et Mines, le pays gagne 172 000 dollars, l'équivalent de 316 800 000 francs burundais, tenant toujours compte du taux officiel de change de 1 650 000 francs burundais. Les 11 ces devises rapatriées, telles qu'annoncées par le ministre de l'Énergie et Mines, s'ajoutent aux différentes taxes que les compagnies d'exploitation, de prospection ou d'exportation de ces minerais doivent payer au gouvernement, à l'État. Et de ce qui précède, l'on voit que les recettes en minerais sur les 6 premiers mois avoisinent les recettes de minerais sur le budget général de l'État, exercice 2018-2019. Merci beaucoup, Mireille. Léonce, avant de clôturer, je vous rappelle que les exportations sur les 6 premiers mois, il y a 600 tonnes de terres rares et 472 tonnes des 3T, ça veut dire le cassiterite et le wolframite. Et c'est le cassiterite, wolframite, juste j'oublie un autre, on les appelle des 3T, ainsi que 446 kilos d'or. Merci beaucoup, Mireille. En actualité internationale, juste une brève pour vous dire que les Maliens ont voté hier dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle afin de départager Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant, et l'opposant Soumaïla Cissé. Les bureaux de vote n'ont pas connu une affluence majeure durant cette journée, marquée notamment par des incidents dans le nord et le centre du pays, dont la mort d'un président de bureau de vote. Il faudra plusieurs jours pour avoir les résultats selon nos confrères de RFI, car chaque commission locale doit centraliser les siens avant de les envoyer à Bamako, la capitale, à la commission électorale nationale. Le Mali étant vaste, l'enclavement de certains villages pourrait ralentir la compilation. Et voilà, à 13h passées de 11 minutes, à Bujumbura et sur Isanganilo, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana pour la collaboration technique. Excellente journée. Bonne journée à tous, au revoir.